C'est inouï ce qu'elle a pour séduire. Sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon. Quand je la tiens dans mes bras, c'est si bon. De me dire que tout ça, c'est à moi pour de bon. Si bon, si bon, si bon. C'est si bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison, c'est parce que c'est si bon. Si bon. C'est parce que c'est si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon. Le meilleur des 60s, 24h/24. Nostalgie 60. Nostalgie. He's so fine. Dans le creux. Nostalgie. Il est 19h. Thank you.